Ils sont violents, méchants et débiles. À coups d'accord puissants, ils aiment cracher leur ville. Parfois tu rêves d'eux et tu embrouilles tes draps. Les gaillards sont hideux mais moins que l'anaconda. Au QSM tu hantes mon sommeil, au QSM vivement le réveil. Au Anatole j'implore ta clémence, sans hésiter je te ferai allégeance. Sans hésiter, je te ferai allégeance. Mais c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est que c'est blasphème? Ils font monter la sauce et distillent le théorème. La véranda libre, proche de l'explosion. Le squamat exige de faire monter le son. Le baron t'impose le tic-tac du pic-tac. Il t'impose la dictature de la luture. Qu'est-ce que tu que qu'est-ce que tu loin de l'azur, loin des figiatures. Tu dors avec des couches, tellement ils te font peur. Tu essaies mais pire que le Pampers pour remplir tes Pampers. Pampers, Pampers. Tu essaies de crasser et flouches. Tu couches et prends la pipe à la tronche. Tu essaies mais trash, tu te caches. Tu voudrais qu'ils te lâchent. Ils sont violents, ils sont méchants, ils sont débiles. À coups d'accord puissants, ils aiment cracher leur bile. Parfois tu rêves d'eux et tu en mouilles tes draps. Les gaillards sont hideux, mais moins que l'anaconda. Tu SM, tu hantes mon sommeil. Mon sommeil. Oh QSM, tu me mens le réveil. Oh Anatole, j'implore ta clémence. Sans hésiter, je te ferai allégeance.